Ella zapanialo tapu no mekono, a poki safu no ikono. Jolie jeune fille, ouais ouais si moi qu'a dire, c'est pour vous j'ai ouais cabane. Jolie jeune fille. Bye.